Novembre, quatrième partie et dernière. J'ai pensé à elle depuis. Pas un jour ne s'est écoulé sans perdre à y rêver le plus d'heures possible. Quelquefois, je m'enferme exprès et seule. Je tâche de revivre dans ce souvenir. Souvent, je m'efforce à y penser avant de m'endormir pour la rêver la nuit. Mais ce bonheur ne m'est pas arrivé. Je l'ai cherché partout, dans les promenades, au théâtre, au coin des rues. Sans savoir pourquoi, j'ai cru qu'elle m'écrirait. Quand j'entendais une voiture s'arrêter à ma porte, je m'imaginais qu'elle allait en descendre. Avec quelle angoisse j'ai suivi certaines femmes. Avec quel battement de cœur je détournais la tête pour voir si c'était elle. La maison a été démolie. Personne n'a pu me dire ce qu'elle était devenue. Le désir d'une femme que l'on a obtenue est quelque chose d'atroce et de mille fois pire que l'autre. De terribles images vous poursuivent, comme des remords. Je ne suis pas jaloux des hommes qui l'ont eue avant moi, mais je suis jaloux de ceux qui l'ont eue depuis. Une convention tacite faisait, il me semble, que nous devions nous être fidèles. J'ai été plus d'un an à lui garder cette parole. Et puis le hasard, l'ennui, la lassitude du même sentiment peut-être, ont fait que j'y ai manqué. Mais c'était elle que je poursuivais partout. Dans le lit des autres, je rêvais à ses caresses. On a beau, par-dessus les passions anciennes, vouloir en semer de nouvelles, elles reparaissent toujours. Il n'y a pas de force au monde pour en arracher les racines. Les voies romaines où roulaient les chars consulaires ne servent plus depuis longtemps. Mille nouveaux sentiers les traversent. Les champs se sont élevés dessus, le blé y pousse, mais on en aperçoit encore la trace et leurs grosses pierres ébrèchent les charrues quand on laboure. Le type dont presque tous les hommes sont en quête n'est peut-être que le souvenir d'un amour conçu dans le ciel ou dès les premiers jours de la vie. Nous sommes en quête de tout ce qui s'y rapporte. La seconde femme qui vous plaît ressemble presque toujours à la première. Il faut un grand degré de corruption ou un cœur bien vaste pour tout aimer. Voyez aussi comme ce sont éternellement les mêmes dont vous parlent les gens qui écrivent et qu'ils décrivent 100 fois sans jamais s'en lasser. J'ai connu un ami qui avait adoré à 15 ans une jeune mère qu'il avait vue nourrissant son enfant. De longtemps, il n'estima que les tailles de poissarde, la beauté des femmes sveltes lui étaient odieuses. À mesure que le temps s'éloignait, je l'en aimais de plus en plus. Avec la rage que l'on a pour les choses impossibles, j'inventais des aventures pour la retrouver, j'imaginais notre rencontre. J'ai revu ses yeux dans les globules bleus des fleuves et la couleur de sa figure dans les feuilles du tremble quand l'automne les colore. Une fois, je marchais vite dans un pré. Les herbes sifflaient autour de mes pieds. En m'avançant, elle était derrière moi. Je me suis retournée. Il n'y avait personne. Un autre jour, une voiture a passé devant mes yeux. J'ai levé la tête. Un grand voile blanc sortait de la portière et s'agitait au vent. Les roues tournaient. Il se tordait, il m'appelait, il a disparu. Et je suis retombée, seule, abîmée, plus abandonnée qu'au fond d'un précipice. Oh, si l'on pouvait extraire de soi tout ce qui y est, et faire un être avec la pensée seule. Si l'on pouvait tenir son fantôme dans les mains et le toucher au front, au lieu de perdre dans l'air tant de caresses et de soupirs. Loin de là, la mémoire oublie et l'image s'efface, tandis que l'acharnement de la douleur reste en vous. C'est pour me la rappeler que j'ai écrit ce qui précède, espérant que les mots me la feraient revivre. J'y ai échoué. J'en sais bien plus que je n'en ai dit. C'est d'ailleurs une confidence que je n'ai faite à personne. On se serait moqué de moi. Ne se raille-t-on pas de ceux qui aiment, car c'est une honte parmi les hommes. Chacun, par pudeur ou par égoïsme, cache ce qu'il possède dans l'âme de meilleur et de plus délicat. Pour se faire estimer, il ne faut montrer que les côtés les plus laids. C'est le moyen d'être au niveau commun. Aimer une telle femme, m'aurait-on dit. Et d'abord, personne ne l'eût compris. À quoi bon dès lors en ouvrir la bouche? Ils auraient eu raison. Elle n'était peut-être ni plus belle ni plus ardente qu'une autre. J'ai peur de n'aimer qu'une conception de mon esprit et de ne chérir en elle que l'amour qu'elle m'avait fait rêver. Longtemps, je me suis débattue sous cette pensée. J'avais placé l'amour trop haut pour espérer qu'il descendrait jusqu'à moi. Mais à la persistance de cette idée, il a bien fallu reconnaître que c'était quelque chose d'analogue. Ce n'est que plusieurs mois après l'avoir quitté que je l'ai ressenti. Dans les premiers temps, au contraire, j'ai vécu dans un grand calme. Comme le monde est vide à celui qui marche seul. Qu'allais-je faire? Comment passer le temps? À quoi employer mon cerveau? Comme les journées sont longues. Où est donc l'homme qui se plaint de la brièveté des jours de la vie? Qu'on me le montre, ce doit être un mortel heureux. Distrayez-vous, disait-il, mais à quoi? C'est me dire, tâchez d'être heureux, mais comment? Et à quoi bon tant de mouvements? Tout est bien dans la nature, les arbres poussent, les fleuves coulent, les oiseaux chantent, les étoiles brillent. Mais l'homme tourmenté remue, s'agite, abat les forêts, bouleverse la terre, s'élance sur la mer, voyage, court, tue les animaux, se tue lui-même et pleure et rugit et pense à l'enfer, comme si Dieu lui avait donné un esprit pour concevoir encore plus de maux qu'il n'en endure. Autrefois, avant Marie, mon ennui avait quelque chose de beau, de grand. Mais maintenant, il est stupide. C'est l'ennui d'un homme plein de mauvaise eau de vie, sommeil d'ivre mort. Ceux qui ont beaucoup vécu ne sont pas de même. À 50 ans, ils sont plus frais que moi à 20. Tout leur est encore neuf et attrayant. Serais-je comme ces mauvais chevaux qui sont fatigués à peine sortis de l'écurie et qui ne trottent à l'aise qu'après un long bout de route, fait en boitant et en souffrant? Trop de spectacles me font mal, trop aussi me font pitié, ou plutôt tout cela se confond dans le même dégoût. Celui qui est assez bien né pour ne pas vouloir de maîtresse, parce qu'il ne pourrait la couvrir de diamants, ni la loger dans un palais, et qui assiste à des amours vulgaires, qui contemple d'un œil calme la laideur bête de ces deux animaux en rute que l'on appelle un amant et une maîtresse, n'est pas tenté de se ravaler si bas. Il se défend d'aimer comme une faiblesse et il terrasse sous ses genoux tous les désirs qui viennent. Cette lutte l'épuise. L'égoïsme cynique des hommes m'écarte d'eux, de même que l'esprit borné des femmes me dégoûte de leur commerce. J'ai tort après tout. Car de belles lèvres valent mieux que toute l'éloquence du monde. La feuille tombée s'agite et vole au vent. De même, moi, je voudrais voler, m'en aller, partir pour ne plus revenir, n'importe où, mais quitter mon pays. Ma maison me pèse sur les épaules. Je suis tant de fois entrée et sortie par la même porte. J'ai tant de fois levé les yeux à la même place, au plafond de ma chambre qu'il devait en être usé. Oh, se sentir plié sur le dos des chameaux, devant soi un ciel tout rouge, un sable tout brun, l'horizon flamboyant qui s'allonge, les terrains qui ondulent, l'aigle qui pointe sur votre tête. Dans un coin, une troupe de cigognes aux pattes roses qui passent et s'en vont vers les citernes. Le vaisseau mobile du désert vous berce, le soleil vous fait fermer les yeux, vous baigne dans ses rayons, on n'entend que le bruit étouffé des pas des montures. Le conducteur vient de finir sa chanson. On va, on va. Le soir, on plante les pieux, on dresse la tente, on fait boire les dromadaires, on se couche sur une peau de lion, on fume, on allume des feux pour éloigner les chacals que l'on entend glapir au fond du désert. Des étoiles inconnues et 4 fois grandes comme les nôtres palpitent aux cieux. Le matin, on remplit les outres à l'oasis, on repart, on est seul. Le vent siffle, le sable s'élève en tourbillon. Et puis, dans quelques plaines où l'on galope tout le jour, des palmiers s'élèvent entre les colonnes et agitent doucement leur ombrage, à côté de l'ombre immobile des temples détruits. Des chèvres grimpent sur des frontispices renversés et mordent les plantes qui ont poussé dans les ciselures du marbre. Elles fuient en bondissant quand vous approchez. Au-delà, après avoir traversé des forêts où les arbres sont liés ensemble par des lianes gigantesques et des fleuves dont on n'aperçoit pas l'autre rive du bord, c'est le Soudan, le pays des nègres, le pays de l'or. Mais plus loin, oh, allons toujours plus loin, je veux voir le Malabar furieux et ses danses où l'on se tue. Les vins donnent la mort comme les poisons sont doux comme les vins. La mer, une mer bleue remplie de corail et de perles retentit du bruit des orgies sacrées qui se font dans les antres des montagnes. Il n'y a plus de vagues, l'atmosphère est vermeille, le ciel sans nuages se mire dans le tiède océan, les câbles fument quand on les retire de l'eau, Les requins suivent le navire et mangent les morts. Oh l'Inde, l'Inde surtout. Des montagnes blanches remplies de pagodes et d'idoles, au milieu de bois remplis de tigres et d'éléphants. Des hommes jaunes avec des vêtements blancs. Des femmes couvertes d'étain avec des anneaux aux pieds et aux mains. Des robes de gaz qui les enveloppent comme une vapeur. Des yeux dont on ne voit que les paupières noircies avec du henné. Elles chantent ensemble un hymne à quelque dieu. Elles dansent, dansent, dansent, Bayadère, fille du Gange, tournoie bien tes pieds dans ma tête. Comme une couleuvre, elle se replie, dénoue ses bras, sa tête remue, ses hanches se balancent, ses narines s'enflent, ses cheveux se dénouent. L'encens qui fume entoure l'idole stupide et dorée qui a 4 têtes et 20 bras. Dans un canot de bois de cèdre, un canot allongé, dont les avirons minces ont l'air de plumes, sous une voile faite de bambous tressés, au bruit des tam-tams et des tambourins, j'irai dans le pays jaune que l'on appelle la Chine. Les pieds des femmes se prennent dans la main, leur tête est petite, leurs sourcils minces, relevés au coin. Elles vivent dans des tonnelles de roseaux verts et mangent des fruits à la peau de velours, dans de la porcelaine peinte. Moustache aiguë tombant sur la poitrine, tête rase avec une houppe qui lui descend sur le dos, le mandarin, un éventail rond dans les doigts, se promène dans la galerie où des trépieds brûlés marchent lentement sur les nattes de riz. Une petite pipe est passée dans son bonnet pointu et des écritures noires sont empreintes sur ses vêtements de soie rouge. Oh que les bois tâtés m'ont fait faire de voyage! Emportez-moi, tempête du Nouveau Monde, qui déracinait les chaînes séculaires et tourmentait les lacs où les serpents se jouent dans les flots. Que les torrents de Norvège me couvrent de leur mousse. Que la neige de Sibérie qui tombe tassée efface mon chemin. Oh, voyager, voyager, ne jamais s'arrêter. Et dans cette valse immense, tout voir apparaître et passer jusqu'à ce que la peau vous crève et que le sang jaillisse. Que les vallées succèdent aux montagnes, les champs aux villes, les plaines aux mers. Descendons et montons les côtes, que les aiguilles des cathédrales disparaissent après les mâts de vaisseaux pressés dans les ports. Écoutons les cascades tomber sur les rochers, le vent dans les forêts, les glaciers se fondre au soleil. Que je vois des cavaliers arabes courir, des femmes portées en palanquin, et puis des coupoles s'arrondir. Des pyramides s'élevaient dans les cieux, des souterrains étouffés où les momies dorment, des défilés étroits où le brigand arme son fusil, des joncs où se cache le serpent à sonnette, des zèbres bariolés courant dans les grandes herbes, des kangourous dressés sur leurs pattes de derrière, des singes se balançant au bout des branches des cocotiers, des tigres bondissant sur leur proie, des gazelles leur échappant. Allons, allons, passons les océans larges où les baleines et les cachalots se font la guerre. Voici venir comme un grand oiseau de mer qui bat des deux ailes sur la surface des flots la pirogue des sauvages. Des chevures sanglantes pendent à la proue. Ils se sont peints les côtes en rouge, les lèvres fendues, le visage barbouillé, des anneaux dans le nez. Ils chantent en hurlant le chant de la mort. Leur grand arc étendu, leurs flèches à la pointe verte sont empoisonnées et font mourir dans les tourments. Les femmes nues, seins et mains tatouées, élèvent de grands bûchers pour les victimes de leurs époux qui leur ont promis de la chair de blanc si moelleuse sous la dent. Où irai-je? La terre est grande. J'épuiserai tous les chemins. Je viderai tous les horizons. Puissais-je périr en doublant le cap, mourir du choléra à Calcutta ou de la peste à Constantinople, si j'étais seulement muletier en Andalousie. Et trotter tout le jour dans les gorges des Sierras, voir couler les Guadalquivir, sur lesquels il y a des îles de laurier rose, entendre le soir les guitares et les voix chanter sous les balcons, regarder la lune se mirer dans le bassin de marbre de l'Alhambra, où autrefois se baignaient les sultanes. Que ne suis-je gondolier à Venise, ou conducteur d'une de ces carrioles qui, dans la belle saison, vous mènent de Nice à Rome? Il y a pourtant des gens qui vivent à Rome, des gens qui y demeurent toujours. Heureux le mendiant de Naples qui dort au grand soleil, couché sur le rivage et qui, en fumant son cigare, voit aussi la fumée du Vésuve monter dans le ciel. Je lui envie son lit de galets et les songes qu'il y peut faire. La mer, toujours belle, lui apporte le parfum de ses flots et le murmure lointain qui vient de Capré. Quelquefois, je me figure arriver en Sicile, dans un petit village de pêcheurs, où toutes les barques ont des voiles latines. C'est le matin. Là, entre des corbeilles et des filets étendus, une fille du peuple est assise. Elle a ses pieds nus. À son corset est un cordon d'or, comme les femmes des colonies grecques. Ses cheveux noirs, séparés en deux tresses, lui tombent jusqu'aux talons. Elle se lève, secoue son tablier, elle marche, et sa taille est robuste et souple à la fois, comme celle de la nymphe antique. Si j'étais aimée d'une telle femme! Une pauvre enfant ignorante qui ne saurait seulement pas lire, mais dont la voix serait si douce quand elle me dirait, avec son accent sicilien, « Je t'aime, reste ici. » Le manuscrit s'arrête ici, mais j'en ai connu l'auteur. Et si quelqu'un ayant passé pour arriver jusqu'à cette page, à travers toutes les métaphores, hyperboles et autres figures qui remplissent les précédentes, désire y trouver une fin, qu'il continue. Nous allons la lui donner. Il faut que les sentiments aient peu de mots à leur service. Sans cela, le livre se fût achevé à la première personne. Sans doute que notre homme n'aura plus rien trouvé à dire. Il se trouve un point où l'on n'écrit plus et où l'on pense davantage. C'est à ce point qu'il s'arrêta. Tant pis pour le lecteur. J'admire le hasard qui a voulu que le livre en demeurât là au moment où il serait devenu meilleur. L'auteur allait entrer dans le monde. Il aurait eu 1000 choses à nous apprendre, mais il s'est au contraire livré de plus en plus à une solitude austère d'où rien ne sortait. Or, il jugea convenable de ne plus se plaindre, preuve peut-être qu'il commença réellement à souffrir. Ni dans sa conversation, ni dans ses lettres, ni dans les papiers que j'ai fouillés après sa mort et où ceux-ci se trouvaient, je n'ai saisi rien qui dévoilât l'état de son âme à partir de l'époque où il cessa d'écrire ses confessions. Son grand regret était de ne pas être peintre. Il disait avoir de très beaux tableaux dans l'imagination. Il se désolait également de n'être pas musicien. Par les matinées de printemps, quand il se promenait le long des avenues de peupliers, des symphonies sans fin lui résonnaient dans la tête. Du reste, il n'entendait rien à la peinture ni à la musique. Je l'ai vu admirer des galettes authentiques et avoir la migraine en sortant de l'opéra. Avec un peu plus de temps, de patience, de travail, et surtout avec un goût plus délicat de la plastique des arts, il fut arrivé à faire des vers médiocres, bons à mettre dans l'album d'une dame, ce qui est toujours galant, quoi qu'on en dise. Dans sa première jeunesse, il s'était nourri de très mauvais auteurs, comme on a pu voir à son style. En vieillissant, il s'en dégoûta, mais les excellents ne lui donnèrent plus le même enthousiasme. Passionné pour ce qui est beau, la laideur lui répugnait comme le crime. C'est en effet quelque chose d'atroce qu'un être laid. De loin, il épouvante, de près, il dégoûte. Quand il parle, on souffre. S'il pleure, ses larmes vous agacent. On voudrait le battre quand il rit, et dans le silence, sa figure immobile vous semble le siège de tous les vices et de tous les bas instincts. Aussi, il ne pardonna jamais à un homme qui lui avait déplu dès le premier abord. En revanche, il était très dévoué à des gens qui ne lui avaient jamais adressé 4 mots, mais dont il aimait la démarche ou la coupe du crâne. Il fuyait les assemblées, les spectacles, les bals, les concerts, car à peine y était-il entré qu'il se sentait glacé de tristesse et qu'il avait froid dans les cheveux. Quand la foule le coudoyait, une haine toute jeune lui montait au cœur. Il lui portait à cette foule un cœur de loup, un cœur de bête fauve traqué dans son terrier. Il avait la vanité de croire que les hommes ne l'aimaient pas, que les hommes ne le connaissaient pas. Les malheurs publics et les douleurs collectives l'attristaient médiocrement. Je dirais même qu'il s'apitoyait plus sur les serins en cage, battant des ailes quand il fait du soleil, que sur les peuples en esclavage. C'est ainsi qu'il était fait. Il était plein de scrupules délicats et de vraies pudeurs. Il ne pouvait, par exemple, rester chez un pâtissier et voir un pauvre le regarder manger sans rougir jusqu'aux oreilles. En sortant, il lui donnait tout ce qu'il avait d'argent dans la main et s'enfuyait bien vite. Mais on le trouvait cynique parce qu'il se servait des mots propres et disait tout haut ce que l'on pense tout bas. L'amour des femmes entretenues, idéal des jeunes gens qui n'ont pas le moyen d'en entretenir, lui était odieux, le dégoûtait. Il pensait que l'homme qui paie est le maître, le seigneur, le roi. Quoiqu'il fût pauvre, il respectait la richesse, et non les gens riches. Être gratis l'amant d'une femme qu'un autre loge, habille et nourrit, lui semblait quelque chose d'aussi spirituel que de voler une bouteille de vin dans la cave d'autrui. Il ajoutait que s'en vanter était le propre des domestiques fripons et des petites gens. Vouloir une femme mariée et pour cela se rendre l'ami du mari, lui serrer affectueusement les mains, rire à ses calembours, s'attrister de ses mauvaises affaires, faire ses commissions, lire le même journal que lui, en un mot exécuter dans un seul jour plus de bassesse et de platitude que 10 galériens n'en ont fait en toute leur vie, c'était quelque chose de trop humiliant pour son orgueil, et il aima cependant plusieurs femmes mariées. Quelquefois, il se mit en beau chemin, mais la répugnance le prenait tout à coup, quand déjà la belle dame commençait à lui faire les yeux doux comme des gelées du mois de mai qui brûlent les abricotiers en fleurs. « Et les grisettes, me direz-vous ? Eh bien non, il ne pouvait se résigner à monter dans une mansarde pour embrasser une bouche qui vient de déjeuner avec du fromage et prendre une main qui a des engelures. » Quant à séduire une jeune fille, il se serait cru moins coupable s'il l'avait violée. Attacher quelqu'un à soi était pour lui pire que de l'assassiner. Il pensait sérieusement qu'il y a moins de mal à tuer un homme qu'à faire un enfant. Au premier, vous ôtez la vie, non pas la vie entière, mais la moitié ou le quart ou la centième partie de cette existence qui va finir, qui finirait sans vous. Mais envers le second, disait-il, n'êtes-vous pas responsable de toutes les larmes qu'il versera depuis son berceau jusqu'à sa tombe? Sans vous, il ne serait pas né, et s'il naît, pourquoi cela? Pour votre amusement? Non pour le sien, à coup sûr. Pour porter votre nom, le nom d'un sot, je parie. Autant vaudrait l'écrire sur un mur. À quoi bon un homme pour supporter le fardeau de 3 ou 4 lettres? À ses yeux, celui qui appuyait sur le code civil entre de force dans le lit de la Vierge qu'on lui a donné le matin, exerçant ainsi un viol légal que l'autorité protège, n'avait pas d'analogue chez les singes, les hippopotames et les crapauds, qui mâles et femelles s'accouplent lorsque des désirs communs les font se chercher et s'unir, où il n'y a ni épouvante et dégoût d'un côté, ni brutalité et despotisme obscène de l'autre. Et il exposait là-dessus de longues théories immorales qu'il est inutile de rapporter. Voilà pourquoi il ne se maria point et n'eut pour maîtresse ni fille entretenue, ni femme mariée, ni grisette, ni jeune fille. Restaient les veuves. Il n'y pensa pas. Quand il fallut choisir un état, il hésita entre 1000 répugnances. Pour se mettre philanthrope, il n'était pas assez malin et son bon naturel l'écartait de la médecine. Quant au commerce, il était incapable de calculer. La vue seule d'une banque lui agaçait les nerfs. Malgré ses folies, il avait trop de sens pour prendre au sérieux la noble profession d'avocat. D'ailleurs, sa justice ne se fut pas accommodée aux lois. Il avait aussi trop de goût pour se lancer dans la critique. Il était trop poète, peut-être, pour réussir dans les lettres. Et puis, sont-ce là des états ? Il faut s'établir, avoir une position dans le monde, on s'ennuie à rester oisif, il faut se rendre utile, l'homme est né pour travailler. Maxime difficile à comprendre et qu'on avait soin de souvent lui répéter. Résigné à s'ennuyer partout et à s'ennuyer de tout, il déclara vouloir faire son droit et il alla habiter Paris. Beaucoup de gens l'envièrent dans son village et lui dirent qu'il allait être heureux de fréquenter les cafés, les spectacles, les restaurants, de voir les belles femmes. Il les laissa dire et il sourit comme lorsqu'on a envie de pleurer. Que de fois, cependant, il avait désiré quitter pour toujours sa chambre où il avait tant bâillé et dérangé ses coudes dessus le vieux bureau d'acajou où il avait composé ses drames à 15 ans. Et il se sépara de tout cela avec peine. Ce sont peut-être les endroits qu'on a le plus maudits que l'on préfère aux autres. Les prisonniers ne regrettent-ils pas leur prison? C'est que, dans cette prison, ils espéraient et que, sortis, ils n'espèrent plus. À travers les murs de leur cachot, ils voyaient la campagne émaillée de marguerites, sillonnée de ruisseaux, couverte de blé jaune, avec des routes bordées d'arbres, mais rendue à la liberté, à la misère. Ils revoient la vie telle qu'elle est. Ornés de gardes champêtres pour les empêcher de prendre les fruits s'ils ont soif, fournis en gardes forestiers s'ils veulent tuer du gibier et qu'ils aient faim, couvertes de gendarmes s'ils ont envie de se promener et qu'ils n'aient pas de passeport. Il alla se loger dans une chambre garnie où les meubles avaient été achetés pour d'autres, usés par d'autres que lui. Il lui sembla habiter dans des ruines. Il passait la journée à travailler, à écouter le bruit sourd de la rue, à regarder la pluie tomber sur les toits. Quand il faisait du soleil, il allait se promener au Luxembourg. Il marchait sur les feuilles tombées, se rappelant qu'au collège, il faisait de même. Mais il ne se serait pas douté que 10 ans plus tard, il en serait là. Ou bien il s'asseyait sur un banc et songeait à 1000 choses tendres et tristes. Il regardait l'eau froide et noire des bassins, puis il s'en retournait le cœur serré. 2 ou 3 fois, ne sachant que faire, il alla dans les églises à l'heure du salut. Il tâchait de prier, comme ses amis auraient ri s'ils avaient vu tremper ses doigts dans le bénitier et faire le signe de la croix. Un soir qu'il errait dans un faubourg et qu'irritait sans cause, il eût voulu sauter sur des épées nues et se battre à outrance, il entendit des voix chanter et le son doux d'un orgue y répondre par bouffées. Il entra. Sous le portique, une vieille femme, accroupie par terre, demandait la charité en secouant des sous dans un gobelet de fer blanc. La porte tapissée allait et venait à chaque personne qui entrait ou qui sortait. On entendait des bruits de sabots, des chaises qui remuaient sur des dalles. Au fond, le chœur était illuminé. Le tabernacle brillait au flambeau. Le prêtre chantait des prières. Les lampes suspendues dans la nef se balançaient à leurs longues cordes. Le haut des ogives et les bas-côtés étaient dans l'ombre. La pluie fouettait sur les vitraux et en faisait craquer les fils de plomb. L'orgue allait et les voix reprenaient comme le jour où il avait entendu sur les falaises la mer et les oiseaux se parler. Il fut pris d'envie d'être prêtre, pour dire des oraisons sur le corps des morts, pour porter un cilice et se prosterner ébloui dans l'amour de Dieu. Tout à coup, un ricanement de pitre lui vint au fond du cœur. Il enfonça son chapeau sur ses oreilles et sortit en haussant les épaules. Plus que jamais, il devint triste. Plus que jamais, les jours furent longs pour lui. Les orgues de barbarie qu'il entendait jouer sous sa fenêtre lui arrachaient l'âme. Il trouvait à ses instruments une mélancolie invincible. Il disait que ces boîtes-là étaient pleines de larmes. Ou plutôt, il ne disait rien. Car il ne faisait pas le blasé, l'ennuyé, l'homme qui est désillusionné de tout. Sur la fin même, on trouva qu'il était devenu d'un caractère plus gai. C'était le plus souvent quelque pauvre homme du midi, un piémontais, un génois, qui tournait la manivelle. Pourquoi celui-là avait-il quitté sa corniche et sa cabane couronnée de maïs à la moisson? Il le regardait jouer longtemps. Sa grosse tête carrée, sa barbe noire et ses mains brunes, un petit singe habillé de rose sautait sur son épaule et grimaçait. L'homme tendait sa casquette, il lui jetait son aumône dedans et le suivait jusqu'à ce qu'il l'eût perdu de vue. En face de lui, on bâtissait une maison. Cela dura 3 mois. Il vit les murs s'élever, les étages monter les uns sur les autres. On mit des carreaux aux fenêtres, on la crépit, on la peignit, puis on ferma les portes. Des ménages vinrent l'habiter et commencèrent à y vivre. Il fut fâché d'avoir des voisins. Il aimait mieux la vue des pierres. Il se promenait dans les musées. Il contemplait tous ces personnages factices, immobiles et toujours jeunes dans leur vie idéale, que l'on va voir et qui voient passer devant eux la foule, sans déranger leur tête, sans ôter la main de dessus leurs épées, et dont les yeux brilleront encore quand nos petits-fils seront ensevelis. Il se perdait en contemplation devant les statues antiques, surtout celles qui étaient mutilées. Une chose pitoyable lui arriva. Un jour, dans la rue, il crut reconnaître quelqu'un en passant près de lui. L'étranger avait fait le même mouvement. Ils s'arrêtèrent. C'était lui, son ancien ami, son meilleur ami, son frère, celui à côté de qui il était au collège, en classe, à l'étude, au dortoir. Ils faisaient leurs pensums et leurs devoirs ensemble. Dans la cour et en promenade, ils se promenaient bras dessus, bras dessous. Ils avaient juré autrefois de vivre en commun et d'être amis jusqu'à la mort. D'abord, ils se donnèrent une poignée de main en s'appelant par leur nom, puis ils se regardèrent des pieds à la tête, sans rien dire. Ils étaient changés tous les deux et déjà un peu vieillis. Après s'être demandé ce qu'ils faisaient, ils s'arrêtèrent tout court et ne surent aller plus loin. Ils ne s'étaient pas vus depuis 6 ans et ne purent trouver 4 mots à échanger. Ennuyés à la fin de s'être regardés l'un et l'autre dans le blanc des yeux, ils se séparèrent. Comme il n'avait d'énergie pour rien et que le temps, contrairement à la vie des philosophes, lui semblait la richesse la moins prêteuse du monde, il se mit à boire de l'eau de vie et à fumer de l'opium. Il passait souvent ses journées tout couché et à moitié ivre, dans un état qui tenait le milieu entre l'apathie et le cauchemar. D'autres fois, la force lui revenait. Et il se redressait tout d'un coup comme un ressort. Alors le travail lui apparaissait plein de charme, et le rayonnement de la pensée le faisait sourire, de ce sourire placide et profond et sage. Il se mettait vite à l'ouvrage, il avait des plans superbes. Il voulait faire apparaître certaines époques sous un jour tout nouveau, lier l'art à l'histoire, commenter les grands poètes comme les grands peintres, pour cela apprendre les langues, remonter à l'Antiquité, entrer dans l'Orient. Il se voyait déjà lisant des inscriptions et déchiffrant des obélisques. Puis il se trouvait fou et recroisait ses bras. Usé par l'ennui, habitude terrible, et trouvant même un certain plaisir à l'abrutissement, qui en est la suite, il était comme les gens qui se voient mourir. Il n'ouvrait plus sa fenêtre pour respirer l'air. Il ne se lavait plus les mains. Il vivait même dans une saleté de pauvre. La même chemise lui servait une semaine. Il ne se faisait plus la barbe et ne se peignait plus les cheveux. Quoique frileux, s'il était sorti dans la matinée et qu'il eût les pieds mouillés, il restait toute la journée sans changer de chaussures et sans faire de feu. Ou bien il se jetait tout habillé sur son lit et tâchait de s'endormir. Il regardait les mouches courir sur le plafond. Il fumait et suivait de l'œil les petites spirales bleues qui sortaient de ses lèvres. On concevra sans peine qu'il n'avait pas de but. Et c'est là le malheur. Qui eût pu l'animer, l'émouvoir? L'amour? Il s'en écartait. L'ambition le faisait rire. Pour l'argent, sa cupidité était fort grande. Mais sa paresse avait le dessus. Et puis 1 million ne valait pas pour lui la peine de le conquérir. C'est à l'homme né dans l'opulence que le luxe va bien. Celui qui a gagné sa fortune presque jamais ne la sait manger. Son orgueil était tel qu'il n'aurait pas voulu d'un trône. Vous me demanderez, et que voulait-il? Je n'en sais rien. Mais à coup sûr, il ne songeait point à se faire plus tard élire député. Il eût même refusé une place de préfet, y compris l'habit brodé, la croix d'honneur passée autour du cou, la culotte de peau et les bottes écuyères les jours de cérémonie. Il aimait mieux lire André Chénier que d'être ministre. Il aurait préféré être Talma que Napoléon. C'était un homme qui donnait dans le faux, dans l'amphigourique, et faisait grand abus d'épithètes. Du haut de ses sommets, la terre disparaissait, et tout ce qu'on y arrache. Il y a également des douleurs du haut desquelles on n'est plus rien. Et l'on méprise tout. Quand elle ne vous tue pas, le suicide seul vous en délivre. Il ne se tua pas, il vécut encore. Le carnaval arriva, il ne se divertit point. Il faisait tout à contre-temps, les enterrements excitaient presque sa gaieté et les spectacles lui donnaient de la tristesse. Toujours il se figurait une foule de squelettes habillés, avec des gants, des manchettes, des chapeaux à plumes, se penchant au bord des loges, se lorgnant, minaudant, s'envoyant des regards vides. Au parterre, il voyait étinceler sous le feu du lustre une foule de crânes blancs serrés les uns auprès des autres. Il entendit des gens descendre en courant l'escalier. Il riait, il s'en allait avec des femmes. Un souvenir de jeunesse lui repassa dans l'esprit. Il pensa à ce village où il avait été un jour à pied et dont il a parlé lui-même dans ce que vous avez lu. Il voulut le revoir avant de mourir. Il se sentait s'éteindre. Il mit de l'argent dans sa poche, prit son manteau et partit tout de suite. Les jours gras, cette année-là, étaient tombés dès le commencement de février. Il faisait encore très froid. Les routes étaient gelées. La voiture roulait au grand galop. Il était dans le coupé, il ne dormait pas, mais se sentait traîné avec plaisir vers cette mer qu'il allait encore revoir. Il regardait les guides du postillon, éclairé par la lanterne de l'impériale, se remuait en l'air et sautait sur la croupe fumante des chevaux. Le ciel était pur et les étoiles brillaient comme dans les plus belles nuits d'été. Vers 10 heures du matin, il descendit à... et de là fit la route à pied jusqu'à... Il alla vite, cette fois d'ailleurs il courait pour se réchauffer. Les fossés étaient pleins de glace, les arbres dépouillés avaient le bout de leurs branches rouges, les feuilles tombées, pourries par les pluies, formaient une grande couche noire et gris de fer qui couvrait le pied de la forêt. Le ciel était tout blanc, sans soleil. Il remarqua que les poteaux qui indiquent le chemin avaient été renversés. À un endroit, on avait fait une coupe de bois depuis qu'il était passé par là. Il se dépêchait, il avait hâte d'arriver. Enfin, le terrain vint à descendre. Là, il prit à travers champs un sentier qu'il connaissait. Et bientôt, il vit dans le loin la mer. Il s'arrêta. Il l'entendait battre sur le rivage et gronder au fond de l'horizon, in altum. Une odeur salée lui arriva, portée par la brise froide d'hiver, son cœur battait. On avait bâti une nouvelle maison à l'entrée du village. Deux ou trois autres avaient été abattus. Les barques étaient à la mer. Le quai était désert. Chacun se tenait enfermé dans sa maison. De longs morceaux de glace que les enfants appellent chandelles des rois pendaient au bord des toits et au bout des gouttières. Les enseignes de l'épicier et de l'aubergiste criaient aigrement sur leurs tringles de fer. La marée montait et s'avançait sur les galets, avec un bruit de chaînes et de sanglots. Après qu'il eut déjeuné, et il fut tout étonné de n'avoir pas faim, il s'alla promener sur la grève. Le vent chantait dans l'air. Les joncs minces qui poussent dans les dunes sifflaient et se courbaient avec furie. La mousse s'envolait du rivage et courait sur le sable. Quelquefois, une rafale l'emportait vers le rivage. La nuit vint. Ou mieux, ce long crépuscule qui la précède dans les plus tristes jours de l'année. De gros flocons de neige tombèrent du ciel. Ils se fondaient sur les flots. Mais il restait longtemps sur la plage qu'il tachetait de grandes larmes d'argent. Il vit à une place une vieille barque à demi enfouie dans le sable, échouée là peut-être depuis 20 ans. De la criste marine avait poussé dedans, des polypes et des moules s'étaient attachés à ses planches verdies. Il aima cette barque. Il tourna tout autour, il la toucha à différentes places, il la regarda singulièrement comme on regarde un cadavre. À 100 pas de là, il y avait un petit endroit dans la gorge d'un rocher où souvent il avait été s'asseoir et avait passé de bonnes heures à ne rien faire. Il emportait un livre et ne lisait pas. Il s'y installait tout seul, le dos par terre, pour regarder le bleu du ciel entre les murs blancs des rochers à pic. C'était là qu'il avait le mieux entendu le cri des mouettes et que les fucus suspendus avaient secoué sous lui les perles de leur chevelure. C'était là qu'il voyait la voile des vaisseaux s'enfoncer sous l'horizon et que le soleil pour lui avait été plus chaud que partout ailleurs sur le reste de la terre. Il y retourna, il le retrouva, mais d'autres en avaient pris possession car en fouillant le sol, machinalement avec son pied, il fit trouvaille d'un cul de bouteille et d'un couteau. Des gens y avaient fait une partie, sans doute. On était venus là avec des dames, on y avait déjeuné, on avait ri, on avait fait des plaisanteries. « Oh mon Dieu, se dit-il, est-ce qu'il n'y a pas sur la terre des lieux que nous avons aimés, où nous avons assez vécu pour qu'ils nous appartiennent jusqu'à la mort, et que d'autres que nous-mêmes n'y mettent jamais les yeux ?» Il remonta donc par le ravin, où si souvent il avait fait dérouler des pierres sous ses pieds. Souvent même il en avait lancé exprès, avec force pour les entendre se frapper contre les parois des rochers, et l'écho solitaire y répondre. Sur le plateau qui domine la falaise, l'air devint plus vif. Il vit la lune s'élever en face, dans une portion du ciel bleu sombre. Sous la lune, à gauche, il y avait une petite étoile. Il pleurait. Était-ce de froid ou de tristesse? Son cœur crevait. Il avait besoin de parler à quelqu'un. Il entra dans un cabaret où quelquefois il avait été boire de la bière. Il demanda un cigare. Et il ne put s'empêcher de dire à la bonne femme qui le servait « Je suis déjà venue ici. » Elle lui répondit « Ah, mais c'est pas la belle saison, monsieur. C'est pas la belle saison. » Et elle lui rendit de la monnaie. Le soir, il voulut encore sortir. Il alla se coucher dans un trou qui sert aux chasseurs pour tirer les canards sauvages. Il vit un instant l'image de la lune rouler sur les flots et remuer dans la mer comme un grand serpent. Puis de tous les côtés du ciel, des nuages s'amoncelèrent de nouveau et tout fut noir. Dans les ténèbres, des flots ténébreux se balançaient, montaient les uns sur les autres et détonnaient comme des canons. Une sorte de rythme faisait de ce bruit une mélodie terrible. Le rivage vibrant sous le coup de vagues répondait à la haute mer retentissante. Il songea un instant s'il ne devait pas en finir. Personne ne le verrait, pas de secours à espérer. En 3 minutes, il serait mort. Mais de suite, par une antithèse ordinaire dans ces moments-là, l'existence vint à lui sourire. Il revit sa bonne chambre de travail et tous les jours tranquilles qui pourraient y passer encore. Et cependant, les voix de l'abîme l'appelaient. Les flots s'ouvraient comme un tombeau, prêts de suite à se refermer sur lui et à l'envelopper dans leurs plis liquides. Il eut peur. Il rentra. Toute la nuit, il entendit le vent siffler dans la terreur. Il fit un énorme feu et se chauffa de façon à se rôtir les jambes. Son voyage était fini. Rentré chez lui, il trouva ses vitres blanches couvertes de givre. Dans la cheminée, les charbons étaient éteints. Ses vêtements étaient restés sur son lit comme il les avait laissés. L'encre avait séché dans l'encrier. Les murailles étaient froides et suintaient. Il se dit « Pourquoi ne suis-je pas resté là-bas ?» Et il pensa avec amertume à la joie de son départ. L'été revient et n'en fut pas plus joyeux. Quelquefois seulement, il allait sur le pont des Arts et il regardait remuer les arbres des Tuileries et les rayons du soleil couchant qui empourprent le ciel passé comme une pluie lumineuse sous l'arc de l'étoile. Enfin, au mois de décembre dernier, il mourut, mais lentement, petit à petit, par la seule force de la pensée, sans qu'aucun organe fût malade, comme on meurt de tristesse, ce qui paraîtra difficile aux gens qui ont beaucoup souffert, mais ce qu'il faut bien tolérer dans un roman par amour du merveilleux. Il recommanda qu'on l'ouvrit, de peur d'être enterré vif, mais il défendit bien qu'on l'embaumât.